C'est en 1975, j'avais alors 2 ans, que des astronomes du nom de Kip Thorne et Anna Zitkov ont proposé l'existence d'étoiles très bizarres, qui portent désormais leur nom, des objets de Thorne-Zitkov. Ces étoiles sont censées être des étoiles géantes en train de mourir, mais contenant dans leur cœur une petite étoile à neutrons ultra dense. Depuis l'invention théorique de ces objets il y a plus de 40 ans, de nombreux astronomes et astrophysiciens ont pensé avoir trouvé des spécimens de ces étoiles hybrides. Mais aucune ne s'était finalement révélée être un véritable objet de Thorne-Zitkov. Mais voilà, un congrès d'astrophysique vient de se tenir à Washington, le meeting de l'American Astronomical Society, et une étude y a été présentée par une jeune astrophysicienne de l'Université du Colorado, Emily Levesque, montrant qu'une très bonne candidate au titre envié de Thorne-Zitkov avait très probablement été observée. Il s'agit d'une supergéante rouge située dans le grand nuage de Magellan, une galaxie voisine de la nôtre. Le gros indice que cette étoile serait bien une hybride de type Thorne-Zitkov est qu'elle contient beaucoup trop de lithium, de rubidium et de molybdène. Ce sont ces éléments qui semblent l'avoir trahie. En effet, ces éléments ne peuvent apparaître en grande quantité, comme c'est le cas ici, que par des chemins de réaction nucléaire très particuliers propres au phénomène décrit en 1975, des captures de neutrons rapides interrompues. Cette étude a été menée par l'équipe de Émilie Lévesque en suivant 22 supergéantes rouges grâce au télescope chilien Magellan. Alors, les astrophysiciens théoriciens ont proposé plusieurs scénarios pour expliquer une telle étoile hybride. Celui le plus probable implique qu'une étoile géante avale littéralement une étoile à neutrons initialement dans son orbite. L'arrivée de l'étoile à neutrons à l'intérieur de l'étoile géante a pour effet d'étouffer les réactions thermonucléaires qui ont lieu en temps normal, d'où la surabondance d'éléments qui auraient normalement dû être consommés. L'enveloppe convective de la géante apporte ensuite de l'hydrogène frais, entre guillemets, vers l'étoile à neutrons qui est tombée au centre. Il pourrait exister jusqu'à quelques dizaines d'étoiles de ce type dans notre galaxie, d'après les spécialistes. Kip Thorne a déclaré quant à lui que cette étoile était probablement la meilleure candidate trouvée depuis 40 ans. Une news à retrouver sur Nature Online intitulée Bizarre Star Could Host a Neutron Star in its Core.